les histoires. Maman, oh, mais c'est quoi l'amour? Quand elle est là, c'est elle. Quand je suis là, c'est moi. Fundament, Aïmba, fundament. Fundament, vous volez ton moto. Fundament. Amaka, Bota Maloko, Maka, Amaka, Bota Benyenge, Maka, Amaka, Sango Mangado, Maka. You must calculate, you must calculate, you must calculate, Amaka, Bota Maloko, Maka, Amaka, Bota Benyenge. Maka, you must calculate, you must calculate, you must calculate. Amaka, Mota Maloko, Maka, Amaka, Mota Benyenge,